Salut, c'est Johan de Podcast Science. Avant de commencer cette émission, je voulais vous rappeler que si vous aimez ce que nous faisons, vous pouvez nous soutenir sur Patreon et nous voter 2020 sur Tipeee. Notre équipe est bénévole et notre podcast restera gratuit. Mais vous nous aiderez ainsi à organiser des événements en public et à acheter du matériel pour continuer à servir la science dans la joie. Vous connaissez l'expression « jamais deux, sans trois » ? Eh bien, à Podcast Science, on ne fait pas d'exception à cette règle. Tout le monde sait que les meilleures productions fonctionnent toujours par trois. Après Christian Böhler qui nous parlait du contenu de nos bouches dans l'épisode 385, puis Perrine Munaro qui nous parlait des dents des morts dans l'épisode 391, nous invitons Cyril Vidal, chirurgien dentiste et vulgarisateur, pour nous parler de cette discipline qui, vous le verrez, ne manque pas de mordant. Détendez-vous, desserrez les dents, ouvrez grand la bouche et faites « Ah !» Ce voyage dans les dents va démarrer. Nous sommes le mercredi 10 mars 2021. Vous écoutez l'épisode 441. Bienvenue sur Podcast Science. Et avec nous ce soir, nous avons Joanne depuis Paris. Salut! Nous avons Cléora depuis Perduville. Hello à tous! Pascal qui nous fait la technique depuis le nord de l'Alsace. Le sud de l'Alsace. Oui, bien sûr! Salut tout le monde! Moi-même depuis Strasbourg et notre invité Cyril Vidal depuis Poitiers. Bonsoir à tous! Comme je disais dans l'intro, Cyril, tu es le troisième invité du podcast à venir nous parler de ce qu'on a dans la bouche, à savoir les dents. Donc, tu es chirurgien dentiste, tu fais de la vulgarisation sur une chaîne YouTube qui s'appelle Dans les dents, et on aura l'occasion de rediscuter de tout ça pendant l'épisode. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours ? Bonsoir à tous. Donc, je suis chirurgien dentiste. Je travaille actuellement dans un cabinet libéral à Poitiers, mais j'ai fait d'autres choses avant. Donc, j'ai fait mes études à Bordeaux et puis au cours de mes études, je suis parti faire ma sixième année et ma thèse à Rennes pour voir un petit peu autre chose. Et faut bien comprendre que chaque fac, et c'est un peu dans toutes les disciplines, chaque fac a ses habitudes, chaque fac a ses principes, a ses... un peu ces dogmes, donc c'était intéressant pour moi de voir sur deux facs. Là-bas, j'ai fait ma thèse sur les drogues de synthèse et sur la perte de lien social, ce qui a été extrêmement intéressant. En fait, je suis allé faire des examens bucco-dentaires dans un Technival, ce qui était très intéressant. Et avant ça, donc j'avais travaillé déjà un peu sur la perception de l'addiction quand j'avais fait un mémoire en anthropologie de la santé à Bordeaux. Et après, comme je suis resté à Rennes, j'ai continué ma formation, ce coup-ci en santé publique. Et avec les aléas de chaque université, je me suis retrouvé enseignant à Bordeaux, donc en tant qu'assistant hospital universitaire, en odontologie conservatrice et endodontie. Donc, odontologie conservatrice, c'est tous les soins pour traiter les caries et conserver les dents. Et l'endodontie, ben, on aura l'occasion d'en parler un petit peu. Tout à l'heure. Après ça, donc en même temps que je faisais cet enseignement à Bordeaux, j'ai travaillé dans un petit cabinet au fin fond de la campagne, dans les Landes, au bord de l'océan, ce qui était très agréable d'aller en face de l'océan entre midi et deux. C'était génial, mais c'était pas tout. Fallait travailler à côté et notamment sur faire éventuellement de la recherche, et je me suis posé longtemps la question de savoir si je prolongeais dans l'hôpital universitaire, si je faisais une thèse d'université ou pas. Et puis finalement, j'ai préféré revenir sur l'activité libérale. Mais on va dire que tout l'enseignement me manquait un peu, et c'est pour ça que je suis revenu vers la vulgarisation avec cette chaîne. À côté de ça, je travaille pour la revue Prescrire, qui est une revue médicale qui fait le point sur ce que dit la science en santé actuellement. C'est vraiment une revue de référence où j'amène ma petite contribution en tant que dentiste, parce qu'on n'est pas beaucoup, mais techniquement, j'écris surtout sur la santé publique en fait, et pas tellement sur la chirurgie dentaire, parce que on rend accessible davantage les choses qui sont souvent pas dans notre spécialité. Et c'est pour ça que je parle pas de ma spécialité, l'endodontie, sur ma chaîne spécifiquement. Ok, et du coup, la revue Prescrire, c'est une revue qui est destinée plutôt au grand public ou plutôt aux médecins C'est plutôt aux médecins. Il y a des déclinaisons pour s'adresser aux infirmiers, mais c'est vraiment réservé aux soignants et particulièrement aux médecins. Et aux pharmaciens aussi. Ok. Donc, c'est là que les spécialistes, les médecins, se donnent des conseils sur la pratique de la médecine, c'est ça ? On fait le point sur cette revue, en fait, elle a trois parties. D'abord, elle fait le point sur les médicaments, sur toutes les nouveautés qui viennent de sortir, de savoir si ça présente un intérêt en thérapeutique, si ça présente pas d'intérêt. Elle fait aussi le point sur les médicaments qui sont retirés du marché, en expliquant pourquoi. Et après, elle fait le point sur certaines pathologies, sur les prises en charge. Et voilà, moi je travaille plutôt sur la troisième partie qui est ce qu'on appelle la partie ouverture, où là on va avoir des questions de société, des questions de santé publique, d'économie de la santé, des questions de déontologie, d'éthique. Voilà, mais c'est vraiment spécifique pour les médecins et pas pour le grand public, même si c'est compréhensible quand on cherche à le lire. Et du coup, j'avais juste une question pour revenir sur ta thèse sur les drogues de synthèse, du coup. Oui. C'était sur l'effet des drogues de synthèse sur la bouche ou... En fait, non, j'ai essayé de démontrer, mais c'est une thèse d'exercice, c'est pas non plus une thèse comme on peut faire en recherche sur 3 à 4 ans. J'ai essayé de montrer que c'était davantage la perte sociale, la perte de lien social qui pouvait découler de la consommation de drogues de synthèse qui avait des conséquences sur l'état dentaire et pas uniquement la consommation, qu'une consommation contrôlée. Si on savait qu'il fallait se brosser les dents, si à côté on avait toujours du lien social, on avait une alimentation correcte, si on allait chez le dentiste régulièrement à côté, si on avait un bon état de santé qui suivait, on n'aurait pas forcément de problèmes dentaires spécifiques. Ok, je me posais la question parce que c'est vrai que dans les films et les séries américaines, on a souvent les images de gens qui se droguent, qui perdent leurs dents et tout. Donc je me demandais si c'était en lien avec cette question-là ou. Après, effectivement, la consommation de drogue va avoir, surtout en grande quantité, va avoir des conséquences au niveau dentaire. Souvent, les dents qui se déchaussent, c'est notamment sur la consommation d'héroïne où on va même pouvoir avoir des injections des fois dans la gencive ou. Où on peut avoir vraiment des dégâts très importants, mais on va plutôt considérer que c'est la dénutrition qui peut venir de la perte de lien social ou d'autres problèmes de santé accessoires qui vont arriver, notamment sur les drogues par injection, qui vont avoir ce problème. Ok, donc tu as un parcours plutôt dense. Et avant d'aller plus loin sur ta spécialité à toi, du coup, est-ce que tu peux nous réexpliquer, juste pour nos auditeurs, comment ça fonctionne une dent ? Alors, on sait que c'est important, tous, hein, on nous demande d'aller chez le dentiste, mais je pense qu'on n'est pas beaucoup à savoir ou à se souvenir de comment ça fonctionne une dent. Une dent, on peut la décrire de différentes manières. On peut la décrire notamment en deux parties, entre la partie qui est visible et la partie qui est invisible. La partie qui est visible, c'est celle que tout le monde voit quand vous souriez, quand vous parlez. C'est ce qu'on appelle la couronne. La couronne, c'est de l'émail qui vient reconstituer la dentine. La dentine, c'est un tissu qui est traversé de plein de petits tubes qu'on appelle des tubuli, justement, et on verra un petit peu l'utilité éventuellement plus tard. Et l'émail, c'est vraiment la partie qui a une particularité, c'est la partie la plus solide de l'organisme, c'est le matériau le plus dur de l'organisme. Et la partie invisible, c'est la racine qui est constituée, elle, essentiellement de dentine et à l'intérieur de laquelle il y a un canal qui contient la pulpe. Et ça, c'est intéressant pour pouvoir décrire la dent aussi différemment entre ceux qui se trouvent dans la dent, donc la pulpe, ce qu'on appelle aussi l'endodonte, qui contient un réseau vasculaire, un réseau nerveux, des cellules qui vont pouvoir synthétiser cette dentine, notamment, qui va avoir tendance à toujours augmenter en quantité avec le temps, avec l'âge, quand l'émail, lui, a tendance à diminuer, au contraire, parce qu'il s'use. Et on va aussi avoir le support de la dent, c'est ce qu'on va appeler le parodonte, avec l'os sur lequel est placé les gencives, avec un ligament qui vient jouer le rôle d'interface entre la dent et cet os, et avec le cément qui est une partie un peu comme l'émail qui vient, mais beaucoup moins minéralisée bien entendu, qui vient recouvrir l'ensemble de la racine. Faut bien comprendre que cet os, en plus il y a une particularité, c'est un os qui a tendance à être là que parce qu'il y a les dents. C'est pas un os, s'il n'y avait pas de dents, l'os a tendance à disparaître. C'est pas un os constitutif comme un fémur ou comme autre chose. Et ces dents, donc là, je les ai décrites individuellement, mais en réalité, c'est un ensemble. On parle toujours des dents et chez les adultes, il y en a 32, chez les enfants, il y en a 20. Elles vont être articulées les unes avec les autres. Et c'est l'articulation la plus complexe du corps humain. Parce que on va avoir des appuis qui se font sur chaque cuspide, c'est-à-dire sur chaque pointe de la dent. On va parler de pointe, même si c'est assez arrondi. Mais voilà, le vrai terme, c'est cuspide. Et avec les fosses, qui sont les autres creux que vous avez sur les dents. Vos dents ne sont pas quelque chose de plat qui vous sert à écrabouiller quelque chose. C'est quelque chose avec des anfractuosités, des volumes pour pouvoir vous permettre de bien écraser les aliments. Donc, cette articulation sur chaque cuspide, on va avoir à peu près 3 points qui vont se faire d'articulation avec la dent antagoniste, la dent qui est de l'autre côté. Donc, on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que juste une seule dent. Et les dents vont encore être en interaction en continu avec d'autres éléments dans la bouche, que ce soit la langue, les lèvres, les joues. Tout ça va venir appuyer toute la journée sur les dents et va permettre également un nettoyage naturel des dents avec les mouvements de la salive. Donc, il y a aussi la salive dans la bouche. On va avoir également les aliments qui vont venir jouer un petit peu. Donc, c'est difficile de prendre une dent de manière unitaire, mais il vaut mieux la réfléchir dans un ensemble. Et dans les dents, donc là, je les ai décrits un petit peu anatomiquement, mais en réalité, elles ont aussi des fonctions. Elles vont vous permettre de mordre, de manger, de sourire, d'articuler, de gainer quand vous allez, par exemple, vouloir consacrer toute votre force. Quand vous êtes un haltérophile, que vous allez devoir soulever 100-200 kilos, il va falloir gainer, vous aider à gainer. Et pour cela, vous allez serrer les dents très fort. Cet engrainement complet va vous permettre de potentialiser, de pouvoir être au maximum de votre force. Donc, les dents servent aussi à ça, même si c'est un détail. Elles ont également un rôle dans la sexualité. Donc, ce que j'aime bien, c'est parler de santé orale. Ma chaîne, je l'appelle chaîne de vulgarisation de la santé orale, parce que les dents toutes seules, c'est pas intéressant si on les prend toutes seules, et c'est vraiment un ensemble. On va avoir l'occasion d'en parler ce soir. Alors, j'y avais jamais pensé comme ça, mais du coup, quand on fait un fort effort physique, on peut pas ne pas serrer les dents, c'est ça? C'est très difficile. En général, on va avoir tendance à, si on a besoin de tout gainer, il va falloir serrer notamment les tous les muscles qui permettent de serrer la mâchoire. Et en gros, on va devoir serrer les dents. C'est assez difficile de faire un effort en ayant la bouche écartée. Mais on va pouvoir faire des efforts la bouche écartée quand même. Mais quand on a besoin de... Je pense vraiment aux haltérophiles où il y a besoin d'avoir un effort très soudain qui demande beaucoup, beaucoup de puissance. On va avoir tendance à aller serrer les dents, justement. Je sens qu'on va tous faire le test à la fin de l'émission, d'aller soulever un truc pour voir si on contracte les dents ou pas. Alors, il y a 2 questions dans la chatroom. Il y a Agnès qui pose une question sur les dents de sagesse. Alors, tu disais qu'on a 32 dents. Est-ce que ça compte les dents de sagesse et pourquoi est-ce qu'on doit ou pas les enlever? Alors, dans les 32 dents, on compte les dents de sagesse. Donc, 32 dents, c'est 4 incisives en haut, 4 incisives en bas, une canine de chaque côté, enfin, 2 canines en haut, 2 canines en bas, 2 prémolaires qu'on ne retrouve pas chez les dents des enfants. Les dents d'enfants n'ont pas de prémolaires, ils ont directement des molaires. Il n'y a pas de prémolaires de lait, ça n'existe pas. Et ensuite, on a 3 molaires dans chaque secteur, dans chaque cadran, enfin, c'est-à-dire 3 en haut à droite, 3 en bas à gauche, ainsi de suite. Ce qu'on appelle dents de sagesse, le vrai nom, c'est 3e molaire. Parce que c'est la 3e molaire par date d'apparition dans la bouche, vu qu'elle apparaît vers 18 ans environ. Et ça va être la 3e quand on part du centre de la bouche et que l'on compte vers le fond de la bouche. Ces dents de sagesse, on ne va pas... Il y a des recommandations HAS, donc de la Haute Autorité de Santé, qui sont sorties il n'y a pas longtemps pour faire le point, parce que pendant très longtemps, on les a enlevées de manière préventive, notamment parce qu'elles faisaient bouger les dents. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les dents, elles vont bouger toutes seules. Tout le long de la vie, les dents vont avoir tendance à bouger. Je parlais tout à l'heure de l'os qui était là que parce qu'il y a une dent. Cet os, malgré le fait qu'il y ait les dents, va avoir tendance à diminuer un petit peu au fil du temps. Et les dents vont être mobiles. Et du fait de la puissance de la langue notamment et de plein d'autres choses, ces dents vont avoir tendance tout un peu à partir vers l'avant. Donc, que vous fassiez enlever vos dents de sagesse ou non, vos dents auront tendance à bouger quoi qu'il arrive. Mais pendant longtemps, on les a enlevées de manière préventive en pensant que ça faisait bouger la dent. Aujourd'hui, une dent de sagesse, on ne va pas chercher à l'enlever si elle ne pose pas de problème. Une dent qui est à l'intérieur de la bouche, qui vient se mettre en place normalement, ne pose pas de problème. Une dent qui reste bien au fond dans l'os, qui ne bouge pas, ne pose pas de problème. On va avoir un problème quand elle va venir pas dans l'axe et empêcher une bonne hygiène des dents, avec le risque de développer notamment une carie entre deux dents. On va également, elle va également poser problème quand elle va pas sortir tout à fait. Elle va sortir de l'os, mais pas de la gencive. Et à ce moment-là, on va pouvoir avoir des inflammations de la gencive tout autour de la dent. Donc, dans des cas comme ça, on va chercher à l'enlever. Mais dans l'ensemble, les recommandations, ce ne sont pas de les enlever. Et donc, elles font bien partie de ces 32 dents. Donc, on les considère comme faisant partie de l'ensemble des dents. Ok. Et il y a une autre question dans la chatroom qui pose la question. Nous, nos dents sont finies, du coup. Elles sont protégées par de l'émail. Comment ça se passe chez les rongeurs où les dents poussent tout le temps, du coup? J'ai un problème, c'est que je ne connais strictement rien en dents d'animaux. Oui. Et okay. je suis désolé, mais c'est vrai, c'est un truc, quand j'ai l'occasion de lire deux, trois trucs dessus, je trouve ça super intéressant, mais c'est extrêmement complexe et je peux pas répondre à ces questions. Et on fera venir pour un quatrième épisode un dentiste vétérinaire. Ça serait sympa, ça. Ça marche. Donc, non, mais ça peut être très intéressant parce qu'effectivement, les animaux vont les utiliser différemment. Donc de savoir comment chaque animal a, quelle est la constitution et le développement de ses dents, ça peut être super intéressant, oui. Mm-hmm. Donc, toi, ta spécialité, c'est pas les dents d'animaux, c'est l'endodontie. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de la dent. Exactement. J'ai un exercice limité aujourd'hui à l'endodontie. L'endodontie, c'est prendre soin donc de ce qui se passe à l'intérieur de la dent, donc l'endodonte dont on parlait tout à l'heure, et essentiellement de la pulpe. Et faut bien comprendre que l'endodontie, tous les dentistes en font. C'est-à-dire que tous les dentistes vont être amenés à prendre soin de la pulpe. Un exercice limité à l'endodontie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais travailler avec des dentistes, avec mes correspondants, qui vont m'adresser des patients chez qui ils ne peuvent pas faire le soin, ou parce qu'il y a des particularités anatomiques, c'est-à-dire des dents avec un nombre de canals qui sort de la norme, avec des courbures ou des coudures très marquées, avec des dents très complexes, ou alors des dents qui se sont complètement minéralisées avec le temps, où le canal n'est quasiment plus visible. Et ensuite, on va avoir également quand il y a un échec de traitement, c'est-à-dire qu'on a soigné la dent et malgré la dent, il y a une pathologie qui reste. Parfois, c'est l'état de santé du patient, c'est une complexité de manière générale. Donc, on est là vraiment, nous les endodontistes, comme on nous appelle, pour faire les soins quand le dentiste classique ne peut plus les faire. Les spécialistes, de manière générale, de toute façon, sont là quand on a besoin. Vous avez des spécialistes en orthopédie dentofaciale, donc pour mettre les appareils. Vous allez avoir des spécialistes pour placer des implants. Tous les dentistes peuvent passer des implants, mais dès qu'il y en a un grand nombre ou dès que c'est des conditions difficiles, ben il y a des implantologistes qui vont avoir un exercice limité à l'implantologie qui vont pouvoir faire ça. Il y a ça aussi en chirurgie, on va avoir des choses. Ce qu'il faut bien comprendre en chirurgie dentaire par rapport à ma spécialité, c'est pas vraiment comme en médecine. En médecine, vous, après vos études, vous pouvez faire un internat court ou un internat long qui vous permet d'être médecin généraliste, d'être chirurgien maxillofacial, d'être radiologue, peu importe. Nous, en chirurgie dentaire, on est tous diplômés enfin, la très très grande majorité sont diplômés comme dentiste généraliste, et il va y avoir trois spécialités qui vont être diplômées par un internat, un petit peu comme en médecine. Ces trois spécialités, donc c'est l'orthopédie dentofaciale, donc le fait de mettre des appareils dentaires, ce qu'on appelait autrefois l'orthodontiste, c'est la chirurgie buccale et c'est la médecine orale. Cette chirurgie buccale, elle a une particularité, c'est qu'elle est commune aux médecins, aux dentistes. C'est-à-dire que c'est une spécialité que peut faire un médecin ou que peut faire un dentiste. Donc c'est un peu particulier. Les autres, il y a d'autres spécialités qu'on retrouve comme la pédodontie, le fait de prendre soin des dents des enfants, l'endodontie, la parodontologie, prendre soin du parodonte dont je parlais tout à l'heure. Ça, ce ne sont pas des spécialités au sens propre du terme. Et on va parler d'exercices limités parce qu'on va consacrer notre temps à ça. Mais nos diplômes, c'est un diplôme de chirurgien dentiste classique et on va juste avoir des formations et consacrer notre temps à ça. Donc, dans ma spécialité, ce qui va y avoir de très particulier, c'est que je vais travailler sous microscope. Donc, ce qu'on appelle un microscope opératoire, qui va pas grossir comme pour voir des bactéries, mais ça va nous permettre d'aller voir un canal à peu près. Un canal, c'est quelque chose de relativement petit. Donc, parfois, quand les dents sont minéralisées ou pour aller chercher un canal supplémentaire, on va avoir besoin d'aller travailler sous microscope. Voilà, mais je continue malgré tout à faire des soins. On continue forcément à faire des soins classiques parce qu'on peut avoir besoin de mettre des couronnes, on peut avoir besoin d'extraire la dent quand il y a un problème et qu'on peut pas la soigner. Donc c'est des c'est un exercice assez varié quand même. Et alors, quand on parle d'endodontie, donc je parlais tout à l'heure de prendre soin de la pulpe. Cette pulpe, j'ai décrit un peu ce que c'était tout à l'heure, et on va vraiment en prendre soin. C'est-à-dire, quand on parle de soigner, c'est en prendre soin. On va pas toujours enlever la pulpe, même si on a l'image de quelqu'un qui, quand on va soigner une dent, on a l'impression qu'on va toujours enlever la pulpe. Non, on va pouvoir souvent essayer de la conserver avec des techniques plus ou moins modernes pour essayer de la garder. Et parfois, on a besoin, par contre, de la traiter. On va aller l'éliminer, cette pulpe, dans ce cas-là, on va aller nettoyer l'intérieur des canaux pour désinfecter, pour reboucher ensuite la dent. Mais parfois, donc, on va la préserver, cette pulpe, on va la conserver. Parfois, on va chercher à la régénérer, à la reconstruire. Et parfois, tout simplement, on va surveiller l'évolution d'une pulpe. Mais à chaque fois, c'est prendre soin de la pulpe, que ce soit pour la garder, pour l'éliminer, on va faire ça. Ok, et du coup, les patients qui viennent te voir, à quel genre de problème tu es confronté en tant qu'odontiste? Je n'ai pas arrivé à le dire, je suis désolée. Et est-ce qu'il y a des maladies graves qui touchent spécifiquement l'intérieur de la dent, du coup? Alors, des maladies graves, on va pas en parler. On peut avoir des conséquences qui vont être graves, mais on va pas avoir à proprement parler de maladies graves. Les patients, ils viennent me voir, les causes sont diverses. Le problème principal, souvent, c'est que la pulpe est nécrosée ou en voie de se nécroser. Parfois, on parle de dents vivantes ou de dents mortes. En réalité, une dent ne peut pas être vivante. On n'a aucun de nos organes qui est vivant ou mort. C'est nous c'est l'être humain qui est autour des organes qui lui est vivant. Un organe, par contre, il va pouvoir être fonctionnel ou pas. Nous, dans une dent, on a une vascularisation, une innervation qui se fait par la pulpe. Et parfois, cette pulpe va se dégrader pour différentes raisons, à cause de caries et d'attaques bactériennes, parfois à cause de traumatismes, quand on va chuter sur les dents de devant notamment, parfois parce que une dent a été trop usée, on va dire. Dans ces cas-là, la pulpe va être cette pulpe, on va devoir la retirer parce que si on ne la retire pas, ça devient un déchet pour le corps et le corps va chercher à se débarrasser de ce déchet et avec des conséquences qu'il y aura à l'extrémité. Donc nous, on va parfois être amené à se nécroser cette pulpe. Ce qu'il faut bien penser, c'est que si la vascularisation se fait principalement par l'intérieur de la dent, elle continue à se faire autour de la dent. Par le ligament que l'on a vu tout à l'heure. Donc, une dent que l'on a dépulpée, elle continue à être vascularisée, elle continue à être innervée. Elle ne va plus sentir le froid, en revanche. Elle ne va plus créer de la dentine. Mais en revanche, elle va continuer à être là. On va aussi des patients qui vont venir parce que la dent a déjà été traitée, mais parce qu'on a un échec sur son traitement. Ou parce qu'il y a des instruments fracturés, c'est ce qui arrive assez régulièrement, dans mon exercice, je vois souvent des patients qui arrivent avec des instruments fracturés dans les racines. C'est heureusement pas quelque chose qui arrive souvent. C'est ce qu'on appelle un instrument, c'est ce qu'on utilise pour nettoyer les canaux. Parfois, quand les racines sont très, très, très courbées, on peut avoir une fracture de l'instrument. On a parfois des traitements qui sont incomplets parce qu'il y a un canal particulier qui n'a pas été trouvé. Parfois, on va avoir un réensemencement bactérien parce que la dent a été soignée. Mais il y a une autre carie qui s'est développée dessus, qui a ramené des bactéries. Il faut bien comprendre que ce canal, c'est un nid pour les bactéries. C'est-à-dire, si c'est pas fermé hermétiquement ou s'il n'y a pas la pulpe dans sa capacité, les bactéries vont adorer aller dedans. Parce que le système immunitaire ne va pas pouvoir s'occuper des bactéries. Et c'est un endroit dans lequel elles vont pouvoir être au chaud, elles vont pouvoir proliférer, elles vont être très, très, très, très bien. Mais on va voilà. Donc c'est vraiment ce genre de pathologie que je vais avoir. Après on va avoir beaucoup d'enfants qui viennent pour des traumatismes, c'est-à-dire ils vont chuter, va avoir la dent qui va être fracturée au ras de la racine ou d'autres problèmes. Parfois, les gens viennent me voir préventivement pour qu'on fasse les soins avant de faire des soins plus lourds parce qu'on sait qu'il va y avoir ça. Parfois, on va avoir également des patients qui vont venir parce qu'ils doivent avoir un traitement lourd. Et à ce moment-là, on va rechercher les foyers infectieux d'origine dentaire. Pendant très longtemps, quand les patients allaient mettre une prothèse de hanche, d'épaule, de genou, n'importe quoi, il fallait qu'on éradique l'ensemble des foyers infectieux d'origine dentaire. Les études montrent pas la présence, quand on a un échec d'un échec de prothèse, du fait qu'il y a des bactéries sur les prothèses, on retrouve rarement des bactéries qui viennent de la bouche. Mais on continue par prévention à recommander d'essayer d'éliminer les foyers infectieux d'origine dentaire avant. On va avoir une pathologie grave qui peut se retrouver, mais qui est pas forcément la cause du problème, mais c'est ce qu'on appelle l'endocardite infectieuse. L'endocardite infectieuse, c'est en gros un délabrement de l'intérieur du cœur. Là, chez des patients qui ont déjà eu une endocardite infectieuse pour d'autres raisons, chez des patients qui ont des problèmes de valve, en gros, ce qui permet, alors je suis pas cardiologue, mais ce qui permet la communication entre les différentes parties du cœur, quand ça va être fragilisé, on va vraiment éviter que des bactéries qui pourraient venir de la bouche, notamment de l'intérieur des canaux, puissent se retrouver dans cette zone-là. Donc, on va faire des traitements pour prévenir ces problèmes d'endocardite infectieuse, parce qu'ils peuvent être mortels, ces soucis. Dans l'absolu, on peut avoir des bactéries qui vont, à terme, aller contaminer les poumons, le cerveau, le cœur. Mais on est quand même sur des choses anecdotiques chez les patients en mauvaise santé. Donc, on peut avoir des pathologies graves, mais chaque dent ne va pas avoir une pathologie grave. Je ne savais pas du tout qu'avant une grosse opération, tu pouvais du coup avoir un rendez-vous chez le dentiste. Ça arrive encore aujourd'hui, notamment quand les patients vont être mis sous un traitement qu'on appelle les biphosphonates. Ou si jamais il y a un problème infectieux ou si jamais il doit y avoir un acte un peu traumatique pour l'os, on a des risques d'ostéonécrose de la mâchoire, c'est-à-dire que l'os de la mâchoire va commencer à se détruire, ce qui est, on l'imagine bien, pas très sympathique. Donc on va prévenir pour éviter tout ça. Quand on sait que les patients doivent prendre ces médicaments de manière assez lourde, on va éliminer tout ce qui est à risque pour éviter ces conséquences qui peuvent être graves. On parlait de maladies graves, il y a parfois des problèmes qui sont pas du tout graves, mais qui sont des problèmes génétiques. On va pas parler de pathologie, on va parler plus de particularités. Ce sera déjà le sujet de ma prochaine vidéo, que j'ai pas encore tournée parce que je suis en retard, où on va avoir des dents qui vont pousser dans des dents. On va avoir des dents qui sont siamoises, qui vont être réunies entre elles. Et après, on va avoir d'autres pathologies comme la dentinogénèse imparfaite et l'amélogénèse imparfaite, dont j'ai parlé dans quasiment toutes mes vidéos à l'instant, qui sont des défauts de création de l'émail, des défauts de constitution de la dentine. Où là, on va avoir des dents qui vont être beaucoup plus fragiles que les autres, dont il va falloir prendre beaucoup plus soin. Et là, souvent, la cause est génétique. On va pas parler de maladies graves, en revanche, on va parler de particularités qu'on va chercher pardon, à soigner. Ça arrive souvent. C'est pas très souvent. J'avais donné les chiffres dans une vidéo. Je me souviens plus des statistiques. Heureusement, c'est pas très très courant, mais on en voit régulièrement. J'en vois au moins 2 à 3 fois par mois dans mon cabinet. Ok. Et alors, moi, j'ai des frissons rien qu'à évoquer tout ce qu'on peut avoir comme problème dans les dents, là. Mais à l'heure actuelle, quand on est dentiste, est-ce qu'on peut tout réparer ou remplacer dans une bouche ou presque? Et est-ce qu'il y a, à partir de quel moment, en fait, c'est vraiment plus rattrapable? Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès dans la chirurgie dentaire. Avant, on extrayait beaucoup les dents. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller récupérer des dents qui sont très, très, très délabrées. Tout ça en faisant des tractions, par exemple en orthodontie, on va pouvoir tracter des dents qui sont trop abîmées pour les sortir un peu de l'os pour arriver à tomber sur une partie qui n'est pas délabrée. De la même manière, on va pouvoir faire des élongations coronaires. On va pouvoir, c'est-à-dire éliminer de l'os pour se retrouver avec une zone accessible. S'il y en a qui sont à table, je suis désolé, je suis absolument confus. Et on va pouvoir aussi, donc j'en parlais tout à l'heure, de régénérer de la pulpe. Chez les enfants qui sont jeunes, parfois on va pouvoir aller récupérer des sortes de cellules souches qu'il y a à l'extrémité de la racine, mais en dehors de la racine. Et par technique, en le faisant revenir ces cellules souches à l'intérieur de la pulpe, on va parfois pouvoir régénérer de la pulpe. Alors ça paraît un truc de laboratoire de recherche, en fait c'est quelque chose que l'on fait au cabinet relativement facilement. On peut le faire assez souvent dans le cabinet. On va pouvoir de plus en plus faire des coiffages. On a des matériaux maintenant qui vont pouvoir stimuler la pulpe pour qu'elle arrive à se défendre elle-même. Ces matériaux, en fait, ce sont des sortes de ce qu'on appelle les ciments de Portland modifiés. C'est des ciments qui vont être chargés pour dans laquelle la pulpe va pouvoir trouver de quoi l'aider à se régénérer. C'est juste pour anecdote, le dentiste qui a trouvé ça, c'est un dentiste qui avait fait couler une chape de béton sur sa terrasse et les ouvriers sont partis et il s'est mis à pleuvoir. Et il a eu très très peur que ça vienne perturber le mélange pour le béton. Et l'artisan lui a dit « Oh non, il n'y a aucun souci, c'est tel type de matériau. » Et après, il s'est dit « Mais dans la bouche, la pulpe, elle est humide. L'extrémité de la dent, elle est humide. » Donc, il s'est mis à créer un matériau qui pourrait prendre en milieu humide, alors que le milieu humide, souvent, nous embête. Or, dans la bouche, le milieu humide, ben, on l'a très très souvent. Donc, voilà, on a créé ça. Ça, c'était juste pour l'anecdote. On peut aller aussi beaucoup plus loin grâce au collage. Pendant très longtemps, on faisait tenir les choses par scellement. Alors, la différence entre le scellement et le collage, c'est que pour le scellement, on va utiliser un ciment et pour le collage, on va utiliser de la colle. La colle va permettre de vraiment de renforcer un petit peu. On va pouvoir aller beaucoup plus loin parce qu'on a une force d'adhésion qui va être beaucoup plus importante qu'avec un ciment. Toutes ces techniques vont permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Mais on va pas pouvoir tout réparer. Quand une dent, par exemple, est fêlée ou fracturée, on va pas pouvoir la réparer parce que on ne sait pas encore recoller deux morceaux de dents qui sont abîmés. C'est des zones par lesquelles les bactéries pourront toujours rentrer. Et j'ai raconté qu'elles étaient au chaud dans le canal, donc elles vont se précipiter également dans une fêlure où elles seront aussi au chaud. Donc, non, on peut pas tout réparer. Faut aussi penser que quand on répare une dent, elle va subir des contraintes. On déglutit à peu près 2000 fois par jour. On mange, on serre les dents à chaque fois qu'on déglutit. Ça, c'est des contraintes. Et en chirurgie dentaire, on fonctionne un peu en termes de résistance des matériaux et on va se soucier de savoir que ce qu'on construit va tenir dans le temps. Parce que si c'est reconstruire pour que ça tienne, mais que ça ne tienne pas 2 ans, bah non, les dents, il faut essayer que ça tienne le plus longtemps. Mais on peut, à défaut de tout réparer, on peut quand même tout remplacer. On peut quasiment tout remplacer. Quand une dent est absente, on va pouvoir on va pouvoir la remplacer par un appareil, par un bridge où on va faire des couronnes de chaque côté et remplacer la dent absente. On va pouvoir mettre des implants dans l'os pour créer une racine artificielle sur laquelle on viendra mettre une couronne. Pardon. Et on va pouvoir également parfois ne rien faire. Une dent absente, on n'est pas obligé de les remplacer. Par exemple, quand on extrait une dent de sagesse, on n'est pas absolument obligé de la remplacer. Mais quoi qu'il arrive, même si on peut faire beaucoup, beaucoup de choses, l'essentiel, ça reste quand même de garder ses dents naturelles le plus longtemps possible. Parce que ces dents naturelles, premièrement, elles sont ancrées dans l'os, donc elles tiennent en général assez bien. Mais en plus, elles ont un avantage, elles ont un ligament tout autour. Ce ligament, il va jouer aussi. Il va nourrir la dent, mais il va aussi jouer le rôle d'amortisseur. Pour des dents qui prennent des contraintes en continu, d'avoir des amortisseurs, c'est quand même mieux que quand vous avez un implant qui, lui, est complètement ancré dans l'os. Ok, je comprends très bien. Merci, t'expliques ça super bien. Et bah du coup, ça me fait une excellente transition, puisque tu es aussi l'un des rares dentistes francophones, je crois, à faire de la vulgarisation sur les dents, et pas seulement à réparer des dents. Ma question, c'était comment tu t'es lancé dans cette aventure de vulgarisation pour parler de ta discipline ? Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, j'ai pendant un petit temps été enseignant et j'ai quitté à regret l'enseignement parce que j'aimais beaucoup ça expliquer. Il faut savoir aussi que quand on a des patients, ben on leur explique leur pathologie. On a l'obligation d'expliquer de toute façon le problème qu'ils ont, ce que l'on peut faire, les différentes thérapeutiques qui s'offrent à eux. Donc, on passe son temps à expliquer aux gens. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. De la même manière, j'écoutais, ça c'était vers la fin de mon enseignement, je regardais pas mal de vidéos de vulgarisation sur YouTube. Et on en discutait avec mon ami Charlie, qui me disait « Vas-y, fais une chaîne YouTube. » Et je lui disais « Mais de quoi je vais parler ? De quoi tu veux que je parle sur une chaîne YouTube ?» Ça m'est, je passais mon temps donc à expliquer aux étudiants le fonctionnement de la bouche et des dents. Je passais mon temps à expliquer aux patients en essayant à chaque fois de m'adapter pour être tout à fait compréhensible. Et ça m'était pas venu à l'esprit de parler des dents. Alors que ça paraît assez évident quand j'y repense. Et au moment de la création du collectif Fake Med, j'ai rencontré et discuté avec Primum et Asclepios, donc qui ont deux chaînes de vulgarisation de la santé générale, et avec qui j'ai pu discuter, qui m'ont donné des conseils pour me lancer, ce qui m'a donné le courage de le faire. Et une fois que j'ai trouvé le nom de ma chaîne qui m'a fait marrer, je me suis dit bah c'est que je suis prêt. Parce que ça a maturé longtemps. On fait pas une chaîne avec un nom, mais on va dire c'est un déclic qui m'a aidé à me lancer. Alors, faire de la vulgarisation, c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas mon métier. J'ai aucune envie d'en faire mon métier. Et il se trouve que je fais quasiment tout seul. Et ça prend du temps. Chaque étape prend du temps. Notamment une étape à laquelle je tiens beaucoup, qui est l'étape de relecture par les pairs. C'est-à-dire que faire des vidéos dans son coin avec les souvenirs des études qu'on a eues et en faisant des recherches de bibliographie, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est vrai que pour chaque épisode, j'essaie d'aller voir à chaque fois des spécialistes ou des dentistes ou des médecins généralistes ou ça m'est déjà arrivé d'aller demander à un philosophe de relire. Mais voilà, il y a cette relecture par les pairs qui est une étape très très très importante, qui des fois prend du temps parce que ben on a tous nos occupations et tous nos activités. Mais voilà, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup beaucoup. Alors quand l'objectif vraiment de cette chaîne, quand je l'ai créée, et c'est vrai que quand j'ai dit que j'allais créer une chaîne, on m'a demandé quel était l'objectif essentiellement. Bah pour moi, c'était vraiment d'expliquer au grand public les questions sur les dents. Quand vous alliez parce que maintenant il y a un peu plus de vulgarisation. Avant, sur les chaînes YouTube qui parlaient de dents, on avait d'un côté les firmes, les sociétés qui avaient des choses à vendre, et d'un côté des gens qui racontaient n'importe quoi sur des sujets, notamment le fluor ou les amalgames dentaires, qui sont les sujets un peu de cristallisation. On trouvait un petit peu n'importe quoi, et donc voilà, je me suis dit ben faut offrir quelque chose au grand public qui est ça. On a aussi pas mal de vidéos qui s'adressent aux dentistes sur des techniques vraiment très très précises, mais sur le grand public il n'y avait pas grand chose. Et ce que j'aime bien me dire, c'est moi, j'aime bien aller voir des chaînes de vulgarisation par curiosité. Il y a des sujets j'ai pas forcément envie d'aller plus loin, mais ça m'intéresse de comprendre ce qu'ils racontent. Donc j'aime bien dire que cette chaîne s'adresse au grand public et aussi aux curieux. Alors, c'est sûr que la santé orale est moins attrayante que la santé générale, mais à chaque fois que j'étais en soirée, enfin, il y a toujours quelqu'un qui vient me voir pour me parler de ses dents, voire carrément me montrer sa bouche, même s'ils sont en train de manger. Enfin, on a vraiment des gens qui viennent me voir. Donc, je me suis dit, il y a des questions. Les gens ont des questions, ils veulent savoir. Des questions parfois qu'ils n'osent pas poser à leur dentiste directement, ou qui se permettent de me poser. Si je peux essayer de répondre à ces questions dans des vidéos, je me dis que ça peut être sympa et on peut faire ça de manière assez sympathique. Les questions qu'on me pose, c'est des gens qui en gros, il y a deux gros types de questions. Il y a les gens qui me demandent ce qu'ils doivent faire au quotidien. Quel type de brosse à dents, quel type de dentifrice, comment on peut faire pour les enfants, est-ce qu'il faut leur brosser les dents, passer derrière eux. C'est vraiment une partie des types de questions que je vais avoir. Et une autre type de question, c'est des gens qui veulent comprendre ce que leur a proposé leur dentiste ou ce que leur dentiste a fait en bouche. Parce que on a beau essayer d'expliquer, parfois c'est un petit peu complexe et c'est plus facile de on n'ose pas trop toujours poser au dentiste, c'est plus facile de poser au copain ou à la personne qu'on n'a jamais rencontré en soirée de poser des questions finalement qui pourraient paraître assez intimes, de parler de sa bouche, mais les gens le font le font assez librement. Donc, je me suis dit, voilà, si je pouvais répondre à ces deux types de questions, c'est comment fonctionnent les choses, c'est un aspect assez assez sérieux avec vraiment des bases scientifiques, et comment faire au quotidien où on peut mettre quelque chose de plus ludique tout en ayant, en se basant, en se fondant sur les recommandations des sociétés savantes dont on parlait tout à l'heure, par exemple, ça va être intéressant. Et tout ça, ben, ça consiste à faire de la vulgarisation, donc c'est un point intéressant. Peut-être qu'en sortant de chez le dentiste, les gens n'ont pas trop envie de parler non plus. Peut-être. Ce qu'il faut, tiens, c'est l'occasion de parler d'un petit truc. Quand quand on est anesthésié, on a l'impression que tout le monde le voit qu'on est anesthésié. En fait, très rapidement, ça s'entend pas. Sachez que quand vous me parlez, quand les gens viennent me parler après les soins et qu'ils sont anesthésiés, je comprends tout ce qu'ils disent et j'ai pas l'impression qu'ils me parlent comme quelqu'un qui a des troubles de l'élocution. Non, vous parlez très très bien. Faut juste vous entraîner à parler parce que les sensations sont bizarres, mais toute personne ne le remarque quand vous marchez dans la rue en sortant de chez le dentiste. Rassurez-vous. Il y a un autre point un peu plus personnel qui m'a aussi amené à faire de la vulgarisation, c'est le fait de m'être spécialisé. Parce que finalement, à plus faire de ce qu'on appelle de l'omnipratique, c'est-à-dire à plus prendre en charge de tous les soins, ben j'étais plus forcément au courant de l'actualité. Les choses, je sais toujours les faire, mais je suis pas au courant des dernières choses qui sont parues. Je suis pas toujours au courant des dernières recommandations pour faire des choses. Or, c'est important, même si on a une spécialité qu'on va prendre, on va travailler sur un moment précis de l'acte dentaire, ben de savoir ce qui se fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, la dent, c'est un ensemble. Donc, d'avoir une idée de ce qui va être fait autour, c'est quelque chose qui est important à savoir. Donc, le meilleur moyen aussi de me tenir au courant de ce qui se faisait, ben, c'était de parler des autres sujets qui ne sont pas ma spécialité, qui me permettaient un peu de mettre ça au point et de mettre mes connaissances à jour et de l'expliquer, pour le coup, aux autres patients. Et c'est l'occasion, voilà, de... Enfin, la vulgarisation, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet d'aborder vraiment son métier un petit peu différemment, de l'aborder par une autre voie, de prendre un peu de recul par rapport à ça et de rencontrer les choses, de rencontrer les abonnés, les relecteurs à qui je vais poser des questions, le Café des Sciences donc aussi et tous les autres vulgarisateurs avec qui on échange beaucoup et je trouve ça extrêmement enrichissant. Donc on le fait pour les autres, la vulgarisation, mais un petit peu pour soi aussi. Donc du coup, tu fais pas mal de vulgarisation sur ta chaîne, donc en format vidéo. Là, tu passes nous voir au podcast. Est-ce que t'as d'autres formats que tu fais en vulga et c'est quoi tes futurs projets de vulgarisation ? Alors, j'avais pensé à faire un blog à un moment, mais c'est vrai qu'il y a déjà des gens qui font des blogs. Il y a quelqu'un, le premier à avoir vraiment commencé à vulgariser les dents, c'est le dentaliste, qui avait un super nom vu que c'était à l'époque du mentaliste, qui est Guillaume, qui a fait un super travail, qui tient un peu moins à jour actuellement, mais qui a fait un super travail de vulgarisation, qui s'adresse un petit peu au grand public, mais un petit peu aux dentistes aussi, qui est très sympa. Et il y a des gens qui font des choses aussi intéressantes sur Instagram. Il y a une fille qui s'appelle Les Mots de la Bouche, qui fait aussi de la vulgarisation. Donc, je suis pas le seul à faire de la vulgarisation. Sur Instagram, c'est vraiment sur les petits sujets, des petites vignettes, elle va présenter des choses assez sourcées, c'est pas mal. Il y a a priori pas mal de gens sur TikTok aussi, pas mal de dentistes a priori qui font de la vulgarisation sur TikTok, mais je n'y vais pas assez sur TikTok, donc je pourrais pas en dire plus. J'ai aussi un copain qui fait un podcast qui s'appelle Dents et Dents. Donc c'est très très proche de moi. Quand on s'est aperçu qu'on avait le même nom, ça nous a fait marrer. Pas c'est la surprise. Mais voilà, lui il va rencontrer des gens pour de dentistes qui vont parler d'un sujet que voilà, c'est relativement intéressant. Et il y a une autre youtubeuse qui s'appelle Dr M qui fait de la vulgarisation des dents sur YouTube aussi. Alors, j'avais vu sa première vidéo, j'ai pas vu le reste, mais elle produit pas mal et tout me dit que ça doit être sympa ce qu'elle fait. Et alors pour les projets futurs, j'ai pas mal d'autres sujets que je voudrais traiter, un peu avec le même format déjà. J'aimerais bien parler du vocabulaire. Parce que je trouve que dans la vulgarisation, le vocabulaire, c'est quelque chose de très important. En utilisant les mots justes, ça permet, de garder des explications très très claires et parfois de revenir sur les mots pour expliquer pourquoi on utilise tel mot plutôt qu'à l'autre, ça permet aussi de vulgariser, aussi de permettre de comprendre exactement comment les choses fonctionnent. Donc ce sujet, comme je l'ai fait tout à l'heure, entre dévitaliser, donc une dent vivante, une dent morte, et dépulper, ce sont des points qui me paraissent très importants pour réussir à comprendre. Donc je vais continuer à travailler sur ce vocabulaire à chaque fois. Est-ce qu'un jour je ferai une vidéo spéciale vocabulaire? Ça je sais pas, mais ça pourrait être un truc intéressant. Après, un autre truc que j'ai commencé déjà à faire dans l'ensemble des vidéos, c'est de déconstruire les idées reçues, comme il faut enlever les dents de sagesse, par exemple, comme il ne faut pas soigner les dents de lait, elles peuvent être cariées, on s'en moque parce qu'il y en a d'autres qui repoussent après, comme le fait que les dents de sagesse poussent les autres dents, par exemple, qu'il y a des gens qui ont de bonnes ou de mauvaises dents. Ça, voilà, il y a beaucoup de... J'essaie, plutôt que de faire une vidéo sur les idées reçues où on verrait tout en bloc, j'essaie de distiller un peu ça au fur et à mesure dans l'ensemble des vidéos. J'aimerais bien aussi faire une courte série de vidéos à destination des enfants et de leurs parents, avec beaucoup plus d'animation notamment. Et voilà, je suis en train de réfléchir à exactement comment je vais faire, mais je pense que ce serait intéressant, parce que là, le format actuel que je fais, il est plutôt pour les adultes, il n'est pas tellement adapté pour les enfants, même si mes propres enfants adorent se marrer, enfin ils se marrent quand je fais des trucs, mais sur des petits détails qui ont rien à voir, des petits détails de montage. Mais voilà, c'est pas adapté pour la compréhension. Mais et puis surtout, je vais essayer d'améliorer un petit peu mon jeu d'acteur digne de Ryan Gosling. Désolé pour les fans, mais je trouve qu'il est un peu inerte. Donc je vais essayer d'améliorer mon jeu d'acteur, de essayer d'améliorer le montage aussi, et essayer de faire des trucs un peu plus drôles, parce qu'il y a des gens qui peuvent réussir à être sérieux en faisant des trucs drôles. Des fois la limite est un peu compliquée, où on a peur de se discréditer en mettant un peu d'humour, mais il y a des gens comme Valentine de Science de Comptoir qui fait ça extrêmement bien, où on voit que c'est sérieux, mais on se marre pendant toute la vidéo. Donc voilà, je vais essayer d'un peu moins me dire que je vais discréditer le contenu, parce que le contenu de toute façon il est sourcé, et essayer de faire des trucs un peu plus amusants, un peu plus sympathiques à regarder. Et il est relu par des pairs, du coup il est encore plus sérieux. Et voilà, donc pour le coup le sérieux il est là, donc je pense que faire un petit peu d'humour ne fait jamais de mal. Et est-ce que tu veux faire des... Enfin, je ne sais pas si ça se fait dans le domaine de la médecine, mais de faire des formats un peu consultation où justement les gens te posent des questions sur leur truc. Genre, moi, je veux secrètement savoir, par exemple, à quoi ça sert les dentifrices solides. Est-ce que ça marche comme un dentifrice pâteux? Et comment c'est arrivé dans les magasins, par exemple, ce truc-là? C'est un sujet qui pourrait être fait. Alors, j'ai été un peu surpris. J'expliquais tout à l'heure que ce qui m'avait donné envie de faire de la vulgarisation, c'était notamment que les gens me posaient beaucoup, beaucoup de questions en soirée. Et en fait, à la fin des vidéos, les gens osent pas trop poser de questions, peut-être parce qu'il y a des choses un petit peu personnelles dedans, je sais pas trop, parce que ça peut être lu par d'autres, peut-être les commentaires. Est-ce que si je fais un format comme ça, les gens auront envie de poser des questions? Je ne sais pas, mais si jamais il y a des gens veulent poser des questions, je resterai disponible. Comme je vois que tu voulais absolument me poser une question sur la mode des dentifrices durs, c'était l'occasion. Donc il y a pas mal de dentifrices qui sortent pas en pâte, qui sont des dentifrices durs qui sortent. Sur le principe, pourquoi pas, mais je trouve pas ça très très pratique, et souvent c'est pas toujours très agréable le goût. L'important d'un dentifrice, il faut bien comprendre une chose, c'est surtout qu'il joue le rôle d'interface entre les dents et les brins de la brosse à dents. Alors, on ne dit pas les poils de la brosse à dents au passage. Les poils de la brosse à dents, c'est qu'autrefois, on utilisait des poils d'animaux. Donc, on parlait de poils. Maintenant, c'est des choses synthétiques, donc on parle de brins. L'importance du vocabulaire. Mais voilà, le but du jeu du dentifrice, c'est de jouer ce rôle d'interface. Parfois, on va chercher à avoir notamment du fluor en quantité raisonnable, mais pour pouvoir aider à protéger les dents. Ces dentifrices, s'ils n'ont pas de fluor, s'ils ont une granulométrie, s'ils sont plutôt en forme de poudre et qui leur permet pas de bien jouer ce rôle d'interface, ben ils vont faire une partie du travail, mais ils vont pas tout faire. Et avec le risque, si la poudre est un petit peu abrasive, bah, d'être un peu trop agressif avec les dents, mais aussi avec la gencive qui risque d'en pâtir. Parce que ouais, il y a beaucoup de formules aussi à faire chez soi maintenant, et il y a Brusicore dans la chatroom qui demande du coup le bicarbonate qu'on rajoute dans les recettes maison pour faire du dentifrice. Est-ce que c'est une mauvaise idée ou pas ? Il y a des entreprises actuellement qui ont des systèmes super bien formalisés qui font le dentifrice elles-mêmes. Je pense que ça peut être pas mal de garder les choses des firmes. Après, on peut aller fouiller dans les firmes pour voir les produits qu'il y a dedans et essayer de faire un peu le tri. Je crois qu'il y a Que Choisir il y a pas longtemps qui a voulu mettre de côté certains dentifrices en disant que il y avait des perturbateurs endocriniens dedans. Donc on peut aller se renseigner pour faire un petit peu le tri, mais à mon avis, il vaut mieux rester avec les dentifrices du commerce, parce que Brusicore, qui fait beaucoup de chimie, sait que faire des mauvais mélanges, c'est très très très facile à faire. Donc vaut mieux éviter. Après, faire des bains de bouche de temps en temps ou utiliser de temps en temps de l'eau oxygénée avec du bicarbonate va pouvoir présenter un intérêt, notamment dans les problèmes parodontaux. Dans les problèmes parodontaux, vous allez avoir des bactéries qui sont spécifiques, où en gros, elles vont pas aimer que vous leur mettiez plein d'eau oxygénée dans la figure. Donc voilà, on peut avoir des choses comme ça qui vont être intéressantes, mais je pense que déjà un bon brossage avec une brosse à dents souple et un dentifrice vont déjà faire pas mal le job. Et après, s'il y a des besoins spécifiques, votre dentiste vous expliquera par rapport à votre problème comment doser, à quel moment utiliser, à quelle fréquence et sur quelle durée. Ok, et Yanniv qui demande dans la chatroom s'il faut qu'une interface, est-ce qu'on pourrait se laver les dents avec du savon, du coup ? Dans l'absolu, oui. J'ai envie de dire, si, vu qu'on va recréer une interface, après ça fera un peu comme les Dupont et Dupont dans Tintin, mais c'est pourquoi pas, c'est jouable. Ah, c'est pas très bon de se faire rincer la bouche au savon. Très certainement. Ok, bah merci d'avoir répondu à cette question qui me taraudait depuis des années. Et outre tes activités de vulgarisation, du coup, tu fais aussi de la sensibilisation à l'esprit critique, notamment via le collectif FakeMed, dont tu es le président. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit et comment ce collectif s'est créé et quel est son objet ? Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, je vais expliquer comment il s'est créé, parce que ça va simplifier les choses. En fait, il y a un groupe de soignants qui, sur Twitter, interagissaient et se plaignaient notamment d'avoir à passer plus de temps à déconstruire certaines idées reçues sur certaines pratiques de soins plutôt que de passer du temps à expliquer les choses aux patients. Et ça, c'était très dérangeant. Donc, parmi eux, il y avait des vulgarisateurs qui permettaient d'avoir assez d'influence. Et ensemble, on s'est dit, si on dénonçait un petit peu les pratiques de soins non conventionnelles dans leur ensemble et en visant spécifiquement celles qui étaient reconnues par le Conseil de l'Ordre des médecins. C'est-à-dire que le Conseil de l'Ordre des médecins autorise à faire état, en plus de son titre de médecin, à faire état de plusieurs titres. Celui d'ostéopathe, celui d'hypnothérapeute, celui de mésothérapeute, celui de d'acupuncteur. Et j'ai dû oublier homéopathe, je sais plus. Bref, tous ces titres sont reconnus, on a le droit de le faire. Et nous, on voulait un peu, notamment sur des choses qui n'ont pas du tout fait preuve de leur efficacité, mais absolument pas, qu'on détachait en fait que des médecins n'aient pas le droit de faire l'usage de certains titres. Et que l'homéopathie, notamment, parce que c'est vraiment l'homéopathie qui est assez symbolique en France, ne soit plus remboursée, pas parce qu'on voulait plus qu'elle soit remboursée par principe, mais parce qu'elle n'avait pas fait preuve de son efficacité et qu'on voulait que, comme il y a d'autres secteurs de soins qui manquent de moyens, que ce soit sur le personnel médical ou sur les thérapeutiques de prévention, enfin les principes de prévention, on voulait que cet argent soit utilisé pour des raisons plus nobles. Ouais, amélioration, merci, c'est l'expression exacte que je cherchais. Donc on a fait une tribune et à l'issue de cette tribune, donc on a subi des attaques ordinales et juridiques de manière générale par des syndicats divers qui nous accusaient de ne pas être confraternels parce que l'on les avait traités de charlatans. En fait, techniquement, ce qu'on avait fait dans cette tribune, dans laquelle on avait réfléchi aux mots, parce que faire de la vulgarisation, c'est toujours réfléchir aux mots, On avait simplement cité le code de santé publique qui interdit de faire la promotion de la charlatanerie, en gros. Et donc voilà, on a eu des attaques, et à partir du moment où on a eu des attaques, ben, il fallait se défendre. Et pour ça, on a monté un collectif. Dans ce collectif, donc, qu'on a appelé Fake Med, on a profité, comme on se réunissait pour échanger également sur les interventions qu'on faisait dans les médias, pour échanger sur d'un point de vue juridique, pour se relier, ben on s'est mis à mettre en place d'autres choses. On a créé le fake médomètre. Le fake médomètre, c'est l'évaluation de la perméabilité des différentes facs aux pratiques de soins non conventionnelles. En gros, est-ce qu'il y a des facs qui enseignent du bullshit, plus ou moins? Donc, on a fait comme Le Point classe les hôpitaux chaque année, on a fait un peu pareil avec les universités. On est en train d'essayer de le remettre à jour, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps parce que c'est un gros travail. On a fait également le fake dex. Le fake dex, c'est des fiches concernant des pratiques de soins dans lesquelles on évalue si elles ont une efficacité sur plein de choses, sur quelque chose, ou si c'est quelque chose qui n'a aucun sens. On a évalué des choses donc qui sont complètement absurdes et des choses qui avaient des intérêts. Donc voilà, on a réuni tout ça. Et ce qui a été intéressant, c'est que à force de, on s'est retrouvé beaucoup dans les médias à cause des attaques qu'on a subies. Et ça a été très intéressant parce qu'au départ, on s'est attaqué à quelque chose qui est assez populaire. L'homéopathie, c'est quelque chose qui était assez valorisé en France, où on a une firme qui est un fleuron de l'industrie française. Donc, c'était assez compliqué de critiquer l'homéopathie. Ce qui était intéressant, c'est qu'à force de passer dans les médias, on a pu expliquer ce qu'était l'homéopathie, on a pu expliquer ce qu'elle avait d'absurde, on a pu expliquer l'ensemble des synthèses qui montraient que ça n'avait pas d'efficacité au-delà d'un effet placebo. Et à force d'expliquer, de vulgariser, on a senti que le discours public, et c'est ce qu'on voulait faire, c'est communiquer avec le grand public, expliquer ce qu'étaient les choses, et expliquer pourquoi un médecin n'avait pas à faire état d'un titre d'homéopathe qui, pour nous, n'avait pas de sens. Et dans ce sens-là, on a participé à la sollicitation, on a été sollicité par la Haute Autorité de Santé pour faire un bilan sur est-ce que l'homéopathie nécessite d'être remboursée ou pas. Okay. Du coup, sur la chronologie, ça s'est passé en combien de temps? Parce que c'est vrai que de l'extérieur, j'ai eu la sensation que ça s'est passé très vite, en fait, que tout d'un coup, l'homéopathie était sous le feu des projecteurs pour dire que finalement, ça marchait pas, arrêtez tout, et ça a été déremboursé pas trop longtemps après. Donc, votre action a eu un impact rapide, quoi, sur... De l'intérieur, ça allait très très vite aussi parce qu'il s'est passé beaucoup de choses assez rapidement. En gros, en mars 2018, on a publié la tribune. À partir un peu avant l'été, on est parti en vacances avec des plaintes aux fesses. Et on s'est organisé, nous, à partir de septembre, enfin à la rentrée, on a laissé passer les vacances sous le soleil. Et après, on s'est organisé par rapport à ça, parce qu'il y a aussi les premières convocations dans les conseils de l'ordre qui ont eu lieu. La HAS a été... Enfin, la ministre des Solidarités et de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, a demandé l'avis de la HAS sur l'intérêt de dérembourser l'homéopathie ou pas. Ça, c'était, je ne sais plus quand, au mois de janvier. Et puis après, en juin 2019, donc, la HAS a rendu son avis et il a été décidé de la dérembourser. Et absolument pas de l'interdire, parce que nous, on voyait pas l'intérêt de l'interdire du tout. Hein. Chacun fait comme il veut. Mais de la dérembourser, et ça en plusieurs temps, pour que les entreprises, les firmes du médicament, enfin, de l'homéopathie, aient le temps de se retourner, ce qui est tout à fait logique. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la HAS n'a pas cherché à trancher si l'homéopathie était efficace ou pas. Parce que ça a déjà été fait 10 000 fois, et on a prouvé que c'était pas efficace. Ce qu'elle a posé, c'était beaucoup plus intéressant. C'est est-ce que c'est toujours nécessaire de la rembourser? C'est-à-dire, est-ce que ça peut avoir un intérêt de rembourser cet effet placebo? Ce qui est vraiment un sujet, je trouvais, très très intéressant, parce que l'utilisation d'un placebo, d'éléments contextuels en santé, c'est un sujet très très très intéressant. Après, ça a pas, on est assez content de ça, mais ça n'a pas été que des réussites. Le Conseil de l'Ordre donc a décidé de cesser de reconnaître le titre d'homéopathe, mais le lendemain de cette décision, ils ont publié sur deux pages de leur revue comment contourner la règle. Donc, on trouvait pas ça très intéressant, mais voilà, ce qui est important, c'est qu'on a pu. Comment contourner la règle, c'est-à-dire comment avoir un diplôme d'homéopathe reconnu quand même s'il n'est pas reconnu, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire qu'en gros, alors c'est quand vous êtes médecin, vous n'avez pas le droit d'écrire ce que vous voulez. Quand on est chirurgien-dentiste, c'est pareil. On n'a pas le droit d'écrire ce qu'on veut sur notre plaque. On n'a pas le droit d'écrire ce qu'on veut sur notre ordonnancier. C'est régi par le Conseil de l'Ordre ce qu'on a le droit d'écrire. Et en gros, les médecins avec un titre d'homéopathe avaient le droit d'écrire médecin homéopathe. Maintenant, ils sont censés ne plus avoir le droit. Mais en fait, ceux qui avaient le droit avant ont toujours le droit. Et ceux qui vont passer par certains types de diplômes particuliers, eux peuvent avoir le droit. Et voilà, le Conseil de l'Ordre l'a expliqué de A à Z comment faire exactement. Voilà, ce qui a été intéressant, c'est que voilà, nous on a voulu parler de l'homéopathie, mais au final on s'est retrouvé à parler de l'ensemble des pseudothérapies et l'homéopathie n'est qu'une seule chose parmi d'autres. Dans ce qu'on appelle de pseudothérapie, c'est pas les trucs qui peuvent paraître farfelus on a des choses qui ont de l'efficacité, mais on a des choses qui en ont pas. Vous avez un truc qui s'appelle le MDR, qui consiste à, en gros, faire des associations d'idées en fermant les yeux et en faisant aller les yeux de droite à gauche, alternativement comme ça. Ben ça, c'est quelque chose qui peut paraître un peu farfelu, mais en fait, on a vraiment quelque chose d'efficace pour la prise en charge des syndromes de stress post-traumatique chez l'adulte. Donc voilà, c'est intéressant aussi de faire le tri en disant « Attention, là, on a un truc qui peut paraître bizarre, mais ça fonctionne. » Et attention, là, on a un truc qui peut paraître bizarre et à juste titre, parce que c'est complètement foutraque. Donc là, on le met de côté. Et c'est quelque chose qui était très intéressant et régulièrement, donc on intervient sur ces sujets, on essaie d'en parler. Alors, en 2019, l'équipe principale du collectif a voulu arrêter. Donc moi, je faisais partie, j'étais le responsable scientifique donc de la première équipe, et quand la deuxième équipe est partie, ben j'ai pris le rôle de président parce que voilà, la première équipe, on avait assez d'être sous le feu, d'être autant sollicité, et donc en 2000 on a continué à faire des choses encore, à publier d'autres fiches fake dex, on a publié d'autres tribunes notamment une tribune européenne sur la directive 2001/83 CE. Sous ce titre bizarre, c'est quelque chose qui reconnaît en fait les traitements homéopathiques comme un médicament sans avoir l'obligation de prouver qu'il est efficace. Ce qui pose un peu problème parce que pour le coup, tous les médicaments, en fait, quand un médicament arrive sur le marché, il doit prouver qu'il est efficace, il doit prouver qu'il n'est pas dangereux. Il doit prouver, qu'il présente un intérêt. Pour les granules homéopathiques, pour les traitements homéopathiques, c'est un peu différent. Vous n'avez pas, vous avez le titre de médicament tout simplement parce que il y a des allégations de non-dangerosité de l'homéopathie qui n'obligent pas à faire les preuves de son efficacité. Et voilà, on a demandé avec des personnes de toute l'Europe, à ce que cette directive tombe un petit peu parce qu'elle n'a pas de sens. Ou on considère que c'est un médicament et à ce moment-là, il doit être passé en revue et être étudié comme les autres médicaments. Ou alors, on considère que ce n'est pas, un médicament. Et à ce moment-là, il se base sur d'autres choses. Oui, parce que au prix que coûtent les essais cliniques et tout pour faire approuver des médicaments, c'est presque de la concurrence déloyale que l'homéopathie a le droit d'être sur le marché comme ça. C'est une aubaine et c'est ce qui explique que les entreprises qui commercialisaient l'homéopathie aient un budget recherche et développement qui soit très très faible pour des budgets de communication qui sont beaucoup plus élevés parce que ce qui coûte cher dans le fonctionnement des firmes pharmaceutiques, ben c'est la recherche. Si vous éliminez une grande partie de la recherche, bah, tout devient beaucoup plus aisé. Ça devient beaucoup plus facile de faire un traitement à prix réduit, mais qui reste très, très, très lucratif. Sur les fake decks, on a essayé de, aussi de déconstruire les idées reçues, notamment sur les vertus sanitaires que pouvaient avoir certains aliments. Là, on a parlé de, enfin, on a déjà traité l'ail, le café et les produits laitiers. Mais voilà, on les a. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop mis en valeur parce que il y a eu une crise sanitaire et qu'on a été pris tous à droite et à gauche et que ça a été un petit peu compliqué de bah, de faire ce que ce qu'on faisait à côté de nos activités alors que tout le monde était débordé. Pas spécialement nous les dentistes, mais les réanimateurs, les laboratoires hospitaliers, les tous ces gens-là ont été, les médecins généralistes ont été beaucoup surmenés un petit peu. Mais on va continuer à travailler pour mettre en valeur parce que c'est des fiches qui sont intéressantes, qui s'adressent au tout public et qui sont vraiment, qui font vraiment une, on fait une veille de l'ensemble des études. Alors, on prend pas toutes les études, on prend ce qu'on appelle les méta-analyses et les revues systématiques de la littérature pour vraiment avoir quelque chose de fiable, c'est-à-dire des présélections déjà d'articles sur, pour sélectionner ce qui a de l'intérêt et faire un peu recouper l'ensemble des études qui ont été faites dans une autre étude. Je suis en train de regarder la liste de, du fake dex en même temps. Il y a des choses que je ne connais même pas, comme l'iridologie. Qu'est-ce que l'iridologie ? Alors, l'iridologie, c'est en gros quelqu'un qui regarde vos yeux et qui vous dit vous avez tel problème parce qu'il y a tel, il se passe, il y a telle couleur dans votre iris à tel endroit, telle forme, et qui va vous, vous dire ce que vous avez comme pathologie et comment le régler et comment s'habiller votre grand-mère il y a 50 ans. Ah, c'est fort! Ok. N'est-ce pas? Très bien. Bon, j'imagine que toutes vos tribunes ont pas toujours été accueillies à bras ouverts, forcément. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de vulgarisateurs en ce moment qui se font harceler sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous, ça vous est tombé dessus aussi? Bah, faut dire que c'est un combat qui est pas très très populaire. C'est vrai qu'on a tellement l'impression que l'homéopathie qu'on utilise est bah qu'elle a, elle a déjà été remise en question par des professionnels de santé, par des chercheurs, par des pharmaciens, ça a déjà été remis en question, mais c'est pas quelque chose qui a été répandu dans le grand public. On a l'impression que l'homéopathie ça fonctionnait. Les gens ont tendance à croire que l'homéopathie c'est un remède naturel de plantes, par exemple. Ils ne connaissent pas la composition de l'homéopathie. Les gens ne savaient pas trop comment était fait l'homéopathie. Donc vous attaquez à un truc qui coûte pas cher, qui marche, qui est naturel, ben c'est pas très très populaire. Donc on a subi même des moqueries au début. La première intervention qu'on a eue dans les médias, c'était sur LCI avec Roselyne Bachelot, donc ancienne ministre de la Santé, qui nous a dit que ça marchait très bien parce qu'elle a donné à son chien. On était sur ce niveau de débat en fait, donc c'était quand même assez dérangeant. Et à force d'y retourner dans les médias, de pouvoir expliquer, ben les journalistes ont commencé à se pencher vraiment sur le phénomène plutôt que de dire ben ça marche. Moi, à un moment donné, quand j'étais petit, je fais partie de ces gens à qui les parents ont donné de l'homéopathie quand ils étaient petits, et pour de bonnes raisons, parce que mes parents pensaient que c'était naturel, pensaient que c'était quelque chose de sain, ça m'évitait de prendre des médicaments. Sur le principe, sur le papier, ça paraît très très bien, sauf que c'est donner quelque chose à quel on donne des allégations de médicaments, c'est le donner là où il n'y en a pas besoin non plus. Est-ce qu'on a besoin de prendre des médicaments pour tout? Nous, notre credo, même si sur les critiques qu'on a eues, c'était on nous a beaucoup dénoncé, on nous a dit qu'on était soumis à Big Pharma, qu'on était payé par Big Pharma, alors que notre credo, c'est de dire non, on dit justement qu'il y a plein de fois où on n'a pas besoin de médicaments. L'homéopathie, si on considère que c'est un médicament, bah nous, on trouve ça inutile. Quand vous avez un rhume, ça sert à rien de prendre des médicaments, quels qu'ils soient. Des médicaments qui pourraient avoir une efficacité sur autre chose et éventuellement une dangerosité. Non, sur un rhume, c'est pas utile. On a un truc qui s'appelle l'histoire naturelle de la maladie, qui fait que certaines pathologies vont avoir des résolutions spontanées parce que votre corps est capable de guérir de certaines choses. Donc, nous, notre credo, c'est de dire, ben, on n'a pas, non, on veut justement qu'il y ait moins de médicaments qui soient prescrits. On veut que soient prescrits juste les médicaments qui sont efficaces. Pas ceux qui proposent des balances bénéfices risques négatives. Parce qu'elles ont trop de risques, et pas non plus celles qui proposent des balances bénéfices-risques négatives aussi, parce que parce que le bénéfice il est de zéro et que divisé par zéro, ben voilà, on sait ce que ça donne. Bref, faut savoir aussi, et je vais en profiter d'ailleurs pour faire un truc qui est très intéressant. Quand on dans notre déclaration, on fait des déclarations de conflit d'intérêts, c'est-à-dire sur chacun sur dans le collectif FakeMed, déclare ses liens d'intérêts, dit s'il a des intérêts avec Joss, tout est vérifiable sur santé, transparencesanté.gouv.fr. Et d'ailleurs, j'en profite parce que dès qu'on prend, en tant que soignant, la parole vis-à-vis d'un public, on se doit dans l'obligation de parler de ses liens d'intérêts. Donc, je déclare une absence de lien d'intérêt. Je le fais un peu en milieu, mais c'est important de le faire à un moment. Et ça, c'est vérifiable donc sur transparencesanté.gouv.fr. Mais ce sont des choses très importantes. Alors, on a été beaucoup attaqués par des gens qui étaient qui est vraiment des ce qu'on appelle des dérapeutes qui vraiment nous attaquent parce qu'on attaque un peu l'enfant de commerce. Et après, sur des patients qui sont persuadés, donc qui nous attaquent à juste titre parce qu'ils sont persuadés que leur traitement, que ce qu'ils prenaient fonctionne. Et à ce moment-là, ils étaient comme quelqu'un donc doctriné, quand vous croyez en quelque chose, c'est légitime d'aller le défendre. Alors parfois, on a des choses amusantes, comme c'est, pendant le premier confinement, il y a une info comme quoi j'avais été radié de l'ordre des médecins. Ah. Étant donné que je ne suis pas médecin, ça va être difficile d'être radié de l'ordre des médecins. Donc c'est super drôle comme info de dire « Regardez, il raconte que des conneries parce qu'il est… » D'ailleurs, même l'ordre des médecins l'a radié. Non, oui, c'est pas possible, je suis pas médecin. Et parfois c'est un peu plus lourd avec des menaces sur soi ou sa famille. Donc voilà, il y a des fois c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, ça continue à être de la vulgarisation sur un autre sujet que les dents, mais qui je pense est intéressante de faire le tri entre ce qui a fait preuve de son efficacité, ce qui n'a pas été, et puis appeler à arrêter de tout médicaliser, tout symptôme, tout signe. Le stress ne nécessite pas forcément de prendre un médicament. Un rhume, j'en ai parlé, ne nécessite pas. Il y a des choses qui nécessitent des médicaments, d'autres qui en nécessitent pas. Et puis, on veut aider à faire le tri un peu dans tout ça. Ok. Alors, bon, peut-être un aspect positif de tout ça, malgré les débats et tout ça, surtout avec le Covid, j'ai l'impression de l'extérieur qu'il y a quand même eu un véritable flot de soignants récemment qui se rendaient de plus en plus disponibles sur les réseaux sociaux pour essayer d'expliquer les choses aux gens. Et alors, est-ce que c'est juste une impression ou est-ce que c'est y a un vrai intérêt comme ça pour les réseaux sociaux? Est-ce que, selon toi, c'est nécessaire? Et surtout, est-ce que c'est suffisant, du coup, pour faire changer un peu l'opinion publique et changer les idées reçues sur tout le domaine de la santé? Alors, c'est vrai qu'il y a une grosse prise de conscience de l'information en termes de santé, parce que les médias se sont mis à parler tout le temps de santé, parce que le grand public de manière générale, du fait d'avoir été confiné et du fait d'avoir accès à plein d'informations, s'est mis à aller fouiller à droite à gauche. Tout le monde a commencé à essayer d'aller chercher des études et tout. Donc, ce qui s'est passé dans le grand public, c'était ça. Dans les grands médias, je parle, c'est-à-dire la télé, la radio. Ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, je vais juste parler de ce qui se passe dans Twitter parce que je passe très peu de temps sur Facebook et sur Instagram. J'y vais régulièrement, mais c'est pas des réseaux que je maîtrise complètement. Mais sur Twitter, oui, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont engagées pour transmettre des informations. Alors parfois, j'étais pas forcément d'accord avec ce qui était fait, mais quoi qu'il arrive, ça a montré un engouement pour les questions de santé, pour les questions de santé publique, pour les questions de prévention, pour les questions de traitement, pour les questions de la recherche scientifique aussi. Parce qu'il y a beaucoup de... Les gens ont découvert ce qu'étaient les préprints, les gens ont découvert ce qu'étaient les méta-analyses. On a eu plein de choses comme ça sur la littérature scientifique qui étaient des choses très intéressantes. Cet engagement, il est important, il est indispensable pour apporter des informations, pour vulgariser. Mais attention, il doit se faire dans le respect des règles de déontologie et du code de santé publique. C'est-à-dire que quand vous prenez la parole en public, c'est le cas quand on le fait sur un réseau social, vous devez faire la promotion, vous devez pas faire la promotion de thérapeutiques qui n'ont pas été éprouvées, qui n'ont pas été suffisamment étudiées, vous ne devez pas faire la prof promotion de procédés illusoires. Donc, c'est vrai que tout le battage qu'on a vu sur l'hydroxychloroquine, ben, au départ, c'est super intéressant quand on voit une nouvelle molécule qui arrive. En revanche, au bout d'un moment, quand toutes les études montrent que ça n'a pas d'efficacité et que vous avez des professionnels de santé qui viennent de dire « si, c'est efficace, j'ai essayé sur 3 patients, c'est efficace, je vais en prescrire à tout le monde », là, on est quand même sur quelque chose qui pose problème. Et dans le respect des règles de déontologie par rapport à la communication au grand public et par rapport aux informations qu'on va diffuser en ayant un rôle, quand même, les gens, quand vous parlez en tant que médecin, quand vous parlez en tant que soignant, quand vous parlez en tant que professionnel de santé, vous donnent une certaine place, une certaine légitimité, donc il faut en être digne. Et après, ça a aussi posé un autre problème sur le fait que les patients ne sont pas des cobayes. Quand vous étudiez quelque chose de sauvage dans votre coin, sans respecter les protocoles, sans prévenir, sans avoir ce qu'on appelle le consentement éclairé du patient, c'est-à-dire le fait que le patient a été informé de ce qu'on savait, sur ce qu'on va lui donner, du type d'étude qui était réalisée, ça devient un peu n'importe quoi et on a une responsabilité sur l'information et sur nos pratiques en tant que soignant. Et la place des soignants, donc je disais, elle est très très très importante parce qu'ils sont le relais d'une information à laquelle on est censé avoir confiance. C'est eux qui sont censés être au courant des recommandations, c'est eux qui sont censés avoir fait assez d'études pour pouvoir transmettre les choses. C'est à eux qu'on va demander conseil quand on prend rendez-vous avec notre médecin généraliste. Donc cette place est importante et il faut vraiment pas trahir cette confiance. Donc ce discours du soignant, il est très important. Parce qu'il faut faire de la vulgarisation comme on fait avec ses propres patients et avec le respect qu'on a envers chacun. Ok, du coup, si toi, sur ces sujets de santé publique et de la place de la santé dans la société, tu devais passer un message qui te tient vraiment à cœur sur le podcast, là, ce serait quoi ? C'est peut-être que de dire que ce qui est naturel n'est pas forcément bon pour la santé. Ok. On a aujourd'hui l'image de ce qui est naturel, c'est forcément bon. Alors, il y a des choses qui sont très intéressantes en termes de naturel. Si vous avez mal à la gorge, par exemple, prendre du miel avec des tisanes, ça paraît relativement naturel et c'est bon pour la santé. En revanche, quand vous allez utiliser quelque chose qui peut paraître naturel comme des huiles essentielles, attention, l'huile essentielle, on est sur du concentré, on n'est pas sur quelque chose de naturel à proprement parler, parce que c'est quand même travailler pour arriver à obtenir une huile essentielle. Et on est là, au contraire de l'homéopathie, sur quelque chose qui est très efficace. Qui dit que c'est très efficace, dit qu'on va pas pouvoir l'utiliser chez les patientes enceintes, chez les enfants, et qu'on va utiliser les choses avec parcimonie, qu'on va pas la boire, il y a plein de choses qu'on va pas faire. Et cette image de naturel, attention, elle donne une crédibilité et une image de non-dangerosité aux choses. Pareil pour la phytothérapie. La phytothérapie, se soigner avec les plantes, c'est très intéressant. En revanche, il y a toujours quelque chose qui est compliqué quand on se nourrit avec les plantes, c'est de gérer la quantité de substances actives. C'est ouais. Quelque chose qui n'est pas facile. Alors, certes, personne n'a envie de donner de l'argent à une firme, mais on peut pas non plus tout faire dans son coin un peu n'importe comment. Du coup, est-ce qu'il y a des sites ou des outils qui sont vraiment accessibles pour les gens et compréhensibles pour se renseigner sur ces sujets-là ? Est-ce que sur FakeMed ou le FakeDex, il y a assez d'informations pour que les gens aillent se renseigner et essayer de comparer et se faire une idée par eux-mêmes de comment ça fonctionne, tout ça ? Alors, on a fait une fiche sur l'aromathérapie. Où on avertissait des éventuels dangers de l'aromathérapie, donc l'utilisation d'huile essentielle. Après, j'ai pas en tête de sites qui permettent vraiment de faire le tri par rapport à ça. Mais si déjà on est vigilant, qu'on se renseigne éventuellement, qu'on en parle avec son médecin de ce qu'on fait, ça a, à mon avis, un peu plus d'intérêt. Mais surtout, voilà, de pas avoir en tête, c'est naturel, donc c'est bon. Il y a des champignons vénéneux qui sont naturels, qui sont très dangereux. Le cyanure, c'est naturel, mais on va pas mettre n'importe quel laurier dans sa blanquette. Ouais, je pense que c'est des comparaisons que les gens entendent de plus en plus et ça va sûrement faire son chemin, quoi. Je le souhaite. Donc, du coup, on arrive un peu à la fin de l'interview. Et sur un pot de questions, on aime bien finir nos interviews comme scepticisme scientifique, on copie. Du coup, on pose deux questions à nos invités. La première, c'est quelle est la question qu'on te pose tout le temps et dont tu t'es lassé ? Alors, c'est est-ce que tu veux regarder, là ? Quand on me dit avec le doigt dans la bouche en me demandant si je peux regarder ça. Alors, je dis que je m'en suis lassé. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce que ça m'amuse toujours d'expliquer en disant, expliquez-moi avec des mots. Je peux pas regarder, je peux pas montrer quelque chose en même temps que vous parlez. Donc, mais non, il y a, ça c'était pour la boutade. En fait, il y a une question, c'est, on en parlait tout à l'heure, est-ce que ma dent est morte? Je trouve ça super intéressant parce que ça montre l'importance du vocabulaire dont je parlais tout à l'heure, l'importance de la vulgarisation, prendre le temps d'expliquer, ce qu'est, comment fonctionne une dent, expliquer comment fonctionne la pulpe. C'est quelque chose qui est très intéressant. Ça rejoint aussi un petit peu, enfin, cette discipline, l'endodontie, que je trouve absolument fascinante, parce que on n'a pas parlé assez longtemps à mon goût, parce que je pourrais en parler des heures, c'est tellement fascinant. Après, on rend des trucs plus compliqués, mais c'est vraiment une discipline qui est intéressante, que tous les dentistes détestent, alors que moi, j'adore. C'est l'avantage d'aimer un truc que tous les autres détestent. Et ça rejoint aussi les fake meds. Il y a pas très longtemps, il y avait un documentaire qui s'appelait Root Cause, qui a été retiré de Netflix, Apple et Amazon, et qui, peut-être toujours sur Vimeo, je sais pas trop, qui expliquait que les dents mortes dans la bouche posaient des problèmes et tout. Il y avait tout un documentaire avec musique effrayante qui allait bien et tout, qui expliquait qu'il fallait absolument extraire toutes les dents parce que on pouvait pas avoir un corps mort dans la bouche. Alors que, non, justement, le corps il est pas mort, c'est vous qui êtes vivant ou mort. C'est une image que j'aime bien, ça. Mais voilà, donc ça rejoint aussi les fake meds. C'est aussi l'importance de se poser des questions parce que quand on n'en sait rien, ça peut être inquiétant de se dire oui, c'est vrai, on m'a dévitalisé la dent, donc j'ai un corps mort. Et j'aime bien que les gens se posent des questions, de se dire attendez, vous allez faire ça, mais pour le coup ma dent va être morte, qu'est-ce qui va se passer? Je trouve ça très intéressant que les gens se saisissent de leur santé, posent des questions, s'intéressent, et aient de la curiosité ou ça. Ça va poser aussi les questions de prévention et de conservation, de dire attention, non, par exemple, on peut essayer de conserver la pulpe, ça peut être intéressant. Et à les défauts de l'approximation et l'importance du choix des mots dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est une question qui pourrait me lasser parce que je l'entends tout le temps et qu'elle est pénible, mais en fait elle donne naissance à plein d'autres choses. Et du coup, c'était quoi la question qu'on oublie souvent de te poser et que pourtant tu trouverais intéressante qu'on te pose? Alors là, c'est vrai que j'ai posé deux trucs et en fait je dis que ça m'intéressait, mais le troisième, c'est on me pose rarement des questions sur le goût, à part pour le décrire comme mauvais. Quand on parle du goût, c'est pour me dire « Ah là, j'ai un mauvais goût en bouche, j'ai un goût salé, j'ai mauvaise haleine. » On me pose pas assez de questions sur le goût. Je trouve ça super intéressant. En fait, à la fac, on n'apprend pas vraiment grand-chose dessus. On apprend des choses sur... faut savoir, par exemple, sur le goût, que la perception maximale, elle est à l'âge de 6 ans. Pour des enfants de 6 ans, avoir quelque chose dans la bouche, ça va être très, très violent. Mais à la fois, il n'y a pas l'apprentissage du goût non plus qui est là. C'est juste les capteurs qui sont extrêmement effectifs à cet âge-là. Mais l'apprentissage du langage, du goût, l'apprentissage gustatif va se faire vraiment au fur et à mesure de la vie, jusqu'à ce que vous ayez assez d'expérience et que vous soyez âgé et que la seule chose que vous aimiez manger, ce soit le homard thermidor parce que c'est hyper salé, hyper épicé et que comme ça, quand vous êtes âgé, c'est la seule chose qui vous donne du goût. Donc ça, c'est très intéressant. Et j'adore boire, manger et les restaurants qui malheureusement sont fermés, donc pour moi la bouche a un rôle super important à jouer là-dedans. Ça a l'air vraiment bête comme ça, mais la bouche, la langue, il y a les dents aussi qui permettent de sentir le goût, la texture, la température des aliments, et c'est aussi par la bouche qu'on va avoir les discussions avec sa famille et ses amis pendant qu'on pique les tranches de saucisson et les fleurs de légumes que l'autre est en train de préparer. C'est aussi par la bouche que l'on va garder les saveurs. C'est aussi avec la bouche qu'on va découvrir d'autres manières de faire ailleurs, comme le gingembre là dans les restos japonais. Si vous demandez à quoi ça sert, en fait, ça sert à se laver les dents en fin de repas. C'est en gros quelque chose qui, en le mangeant, va venir nettoyer un petit peu les dents et rafraîchir un petit peu votre haleine. Enfin bref, la bouche, elle permet de faire plein de choses passionnantes, de la communication au sexe, et le goût en fait partie. Et c'est un truc sur lequel j'ai pas forcément été assez formé, sur lequel on nous pose pas assez de questions, parce que finalement, on n'est pas dentiste pour les dents, on devrait être plutôt limiste, buccaliste ou oraliste, ça irait mieux. Du coup, ça n'existe pas des médecins pour le goût, spécifiquement? Spécifiquement du goût, non. On avait une spécialité qui s'appelait la stomatologie, qui est une spécialité qui n'existe plus, qui est en gros remplacée par la médecine orale. C'est l'internat dont je parlais tout à l'heure, notamment, et par les chirurgiens buccaux ou les chirurgiens maxillofaciaux. Les ORL vont beaucoup, vont être très, très, très pertinents sur les questions de goût, parce que techniquement, le goût et l'odorat, ça va être pas mal mêlé. Donc, un ORL qui va s'occuper de la gorge et du nez, ben, ça peut être quelqu'un de très, très, très pertinent pour ça. Mais de spécialiste du goût, je pense pas que ça existe. Ok. Alors, on a encore 2-3 questions d'auditeurs qui sont remontées dans la chatroom, oui, que j'ai gardé pour la fin. Quelqu'un qui pose une question sur l'utilisation du corail pour reconstituer l'os autour des implants. Alors, les substituts osseux, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on a, quand on a des défauts d'os, on a plein de manières d'essayer de reconstruire de l'os, mais techniquement, on va pas rarement reconstruire de l'os. Parfois, on va faire des greffes osseuses, c'est-à-dire qu'on va prendre des morceaux d'os à certains endroits, souvent dans le bas de la mandibule, donc la mâchoire du bas, et on va aller prendre des morceaux d'os qu'on va aller pincer, qu'on va venir mettre en place et visser en gros dans le reste de l'os. Mais parfois, on va chercher des substituts osseux. Ces substituts osseux, ils sont de différentes manières et ils permettent de guider la régénération osseuse. En gros, quand vous faites une chirurgie, par exemple, autour d'un implant ou quand vous allez chercher à gagner de l'os sur le sinus, on va avoir un caillot de sang qui va se former. Et dans ce sang, vous avez des cellules spécifiques qui vont pouvoir se transformer en os au contact de l'os et en gencive au contact de la gencive. Et maintenant, on va avoir tendance à utiliser des substituts osseux pour en gros essayer de stimuler, de recréer un petit peu artificiellement une base osseuse sur laquelle les cellules sanguines vont avoir plus de facilité à recréer de l'os. Pour ça, on va pouvoir utiliser du corail, notamment. On va pouvoir utiliser des substituts d'os bovin qui sont complètement asséchés, stérilisés, qu'on va pouvoir remettre en place. Et on va aussi utiliser quelque chose qu'on appelle la PRF, c'est platelet rich fibrin. En gros, on va faire un prélèvement sanguin, qu'on va mettre à centrifuger. Et en hauteur, vous allez avoir un espèce de petit plot très riche en fibrines, en facteurs de croissance, et qui va permettre en gros qui est censé aider à améliorer la cicatrisation. Alors, les niveaux d'études sont différents selon les matériaux. La fibrine, juste, c'est une protéine, c'est ça? C'est la protéine qui va aider, en gros, les plaquettes à se réunir entre elles pour faire ce qu'on appelle le clou plaquettaire. Ça va avoir aussi d'autres fonctions, mais principalement ça. Et c'est la fibrine, c'est ce qui va, quand vous avez une blessure avec un petit, truc, la petite peau blanche qui va partir au bout de 72 heures, c'est la conséquence de ce qu'on appelle la fibrinolyse. Parce qu'au bout de 72 heures, la fibrine va se détacher, va se défaire et la croûte, on va dire, un petit peu va partir. Revenons sur les dents. Cette PRF, par exemple, elle va avoir peu d'efficacité sur la cicatrisation en réalité, mais elle va avoir de l'efficacité éventuellement sur les gonflements post-opératoires ou sous les douleurs post-opératoires. Sur les substituts osseux, ce qu'on fait aussi parfois, c'est que quand vous devez, en gros, fraiser de l'os pour aller mettre un implant, ben vous allez garder l'os que vous effritez et ça peut être lui qui va servir de substitut osseux. Parce que c'est votre propre os et ça peut être intéressant. Donc, il y a plein de choses qui existent avec des niveaux d'efficacité différentes, avec des niveaux de tolérance différentes, avec des avantages et des inconvénients pour chacun. Des fois, c'est la mise en place, des fois, c'est la préparation, des fois, c'est le coût. Enfin, il y a plein de choses qui vont arriver en marche. Mais on utilise du coup, pour répondre à la question initiale, on utilise du corail comme on va dire, base de recréation d'os. Ok. Agnès demandait pourquoi on parle de dents de l'œil. Je ne suis pas sûre de voir à quoi ça correspond. Alors, la dent de l'œil, c'est ce que les personnes âgées, souvent, désolé, appelaient la dent de l'œil, c'était la canine. L'emplacement des dents, du fait des trajets nerveux, on va avoir des diffusions de la douleur qui vont se faire à différents endroits. Par exemple, les dents du haut vont avoir tendance, les molaires du haut vont avoir tendance à déclencher des douleurs en direction de la tempe. Et les canines, elles, vont avoir tendance à déclencher des douleurs plutôt en direction de l'œil, d'où ce nom de dents de l'œil. Mais vous avez aussi un nerf qui s'appelle le nerf infraorbitaire qui parfois est par des ramifications un peu anesthésiées quand on fait des anesthésies des dents du haut, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir parfois l'œil un petit peu anesthésié. Donc voilà, mais ce que les anciens appelaient la dent de l'œil, c'est la canine. La canine du haut, la canine maxillaire. Rien à voir avec l'expression œil pour œil, dent pour dent, du coup. Rien à voir, mais ça sonnait bien pour le coup. Ok. Il y a Luc qui demande quelle est l'efficacité des rince-bouches qu'on trouve dans le commerce. Des rince-bouches, c'est des bains de bouche, j'imagine. Ouais. Alors, j'ai un avis assez tranché là-dessus. En fait, pour moi, un bain de bouche n'est pas utile sur du long terme, voire il peut être néfaste. Il faut bien comprendre que quand on utilise un bain de bouche régulièrement, on l'utilise pour sa fonction antiseptique notamment. Et l'antiseptique va éliminer les bactéries. Il se trouve que les bains de bouche sont assez bien faits, assez bien produits pour éliminer spécifiquement les bactéries qu'on retrouve dans la plaque dentaire. Mais attention, votre bouche contient des bactéries aussi qui, elles, sont nécessaires pour protéger. Dans tout votre corps, que ce soit les bactéries de votre peau, les bactéries de votre intestin ou les bactéries de votre salive, ce sont des bactéries qui vont vous rendre service. À force de prendre des bains de bouche antiseptiques en continu, on va pouvoir éliminer cette flore commensale, c'est-à-dire ces bactéries qui sont censées être là, et ça va poser de problèmes. Alors maintenant, on propose des bains de bouche qui sont censés être utilisés sur du long terme parce qu'ils ne sont pas antiseptiques. Mais à ce moment-là, quelle est l'utilité d'utiliser un bain de bouche s'il n'est pas antiseptique? Donc voilà, je suis pas très partisan du bain de bouche. Il y a à des moments, ça peut être très très intéressant, mais c'est pas quelque chose que je préconise parce que, hormis des cas spécifiques, notamment après une chirurgie pour nettoyer les points de suture, bah ça a pas toujours de l'intérêt. Rien ne vous empêche d'utiliser sur une petite période ou de temps en temps un bain de bouche parce que ça vous donne la laine fraîche ou des choses comme ça. Mais il faut absolument éviter de les utiliser en continu sur des longues périodes. Très bien, très bien. Eh ben du coup, on arrive vraiment à la fin, à moins qu'il y ait des dernières questions qui remontent. Donc, est-ce que tu es venu avec ta citation pour la fin de l'épisode ? Non, je suis venu avec deux citations. Pas une, parce que pas deux. Non, il y en a une, j'ai voulu la laisser parce que j'ai mis du temps à la comprendre, donc je vous laisserai partir avec pour que ça vous reste dans le truc. La première, c'était... En général, je déteste les dentistes. Je les tiens pour des créatures foncièrement vénales dont le seul but est dans la vie d'arracher le plus de dents possible afin de s'acheter des Mercedes à toit ouvrant. Ça, c'est une phrase de Michel Houellebecq, comme quoi il écrit bien, il est drôle, mais il est quand même sacrément con souvent pour dire des trucs comme ça. Mais voilà. Et la seconde, c'est une phrase de Serge Iraboukine qui est un comédien que j'aime bien, qui a écrit des espèces de pensées un petit peu absurdes. Et il dit « Le dentiste voyage, c'est... » dentaire. Oh, je viens de comprendre. J'ai mis du temps aussi. Oui, alors le dentiste voyage, c'est dentaire. C'est comme c'est dentaire, il reste au même endroit. Ok, je l'ai. Bravo. Très bien, merci beaucoup. Alors du coup, avant de clôturer l'épisode, Johan, est-ce que tu veux nous rappeler le quiz du moment ? Oui, avec plaisir. En plus, j'imagine que Cyril pourra nous aider à y répondre. Boire son urine est bon pour la santé, info ou intox? Alors, il se trouve que la dernière fiche fake dex qu'on a rédigée, c'est sur l'urinothérapie. Donc, je connais trop bien la réponse pour pouvoir répondre exactement. Bah, du coup, Léa ira la lire alors pour répondre au quiz. D'accord. Donc, si vous voulez, bain de bouche ou pas bain de bouche avec urine? Alors, l'urine de vache avait été proposée pour traiter la Covid en bain de bouche, justement, ça ne marche absolument pas, déjà. Bien, merci encore, Cyril, d'avoir accepté de venir à cette émission. C'était avec plaisir. Maintenant, on arrive du coup à la fin de notre troisième et peut-être dernier épisode sur les dents. On espère que vous ressortez de cette émission avec plein d'anecdotes croustillantes à vous mettre sous la dent, avec des dentistes aussi sympas, aucune raison d'avoir une dent contre eux finalement. Et on vous souhaite une excellente soirée et que servir la science soit votre joie.